بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. أما كتاب الإبانة فالأخطاء فيه واضحة، وانظروا يا إخوان إلى الرفق الذي أرفق به. لما خرج الكتاب كتبت له مطوية قرأوها بالله، ألا ترون أني مرفق به؟ وأن الكتاب فيه أخطاء، ومع ذلك أكتب يعني إلى الشيخ محمد وأذكره بكلام طيب ثم أنصحه وما إلى ذلك، وبعد هذا يعني إن كان عندي نصيحة يطلب مني أن أقولها له، وكل هذا كل طرح راح أدراج الرياح يوزع الكتاب بغير ما ألغى فيه من الأخطاء. ثم ذهب إلى الشيخ ربيع ويدعي أنه قدم الكتاب على ما فيه، ثم نصح الشيخ ربيع أن يلغي ما في الكتاب من أخطاء وما زال يوزعه على ما فيه. يا أخي إصرار على الباطل، بل يخرج الطبعة الثانية بأجرها وبجرها ويوزع ما فيها وهي تضر الدعوة. أنكرنا شيئا نراه يضر دعوتنا. شيخ ربيع دي أن الكتاب نعم يوافق الأصول الحلبي، بل dans la cise qu'on verra il a dit il y aura le kitab. Le kitab il doit être annulé. Il revient dessus, il l'annule, on ne le propose plus. Hein. Est-ce que tu vas annuler un kitab qui appelle au minhaj salafi? T'as pas le droit. T'as annulé un kitab et t'as interdit de le propager, il y a un kitab qui appelle au dalal. Tout ça, chérie, ses élèves l'ont dit. Les madames, vous n'avez pas accepté le haq au départ. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahullah ta'ala, cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqaddam ma'ala ams. كلام الشيخ يحيى حفظه الله في كتاب الإبانة لمحمد الإمام، ونستفد أن الشيخ حفظه الله رد على الكتاب من أول يوم، ونرى كذلك أن الشيخ il avait démontré أن ce kitab أهل البدعة والحزبية ils vont s'en servir comme ils ont fait avec kitab الشيخ عبد المحسن العباد رفقا أهل السنة وبكتاب بكتب أبي الحسن والحلبي إلى آخره. Et on avait lu le kalam de بعد هؤلاء علي حسن الحلبي قال quand il a lu le livre الإبانة قال وكتابي منهج السلف منهج السلف الصالح. C'est un kitab il est mali بالقواعد الباطلة والضلالات. ردوا عليه كثيرا. السلف في الحقيقة كما سيأتي وكما تقدم الإبانة سلام مشوز، فلهذا قال وكتابي منهج السلف قبل كتاب الإبانة. صحيح son livre منهج السلف il est sorti avant l'Ibana. قال بسنة كاملة وقد أرسلت كتابي إليه قبل أن يطبع. ماذا تفهم من هذا؟ الحلبي il a envoyé un exemple. تعرفون ceux qui écrivent des livres ils font souvent هكذا، خاصة ils sont connus مثل الحلبي et خاصة avant le livre منهج السلف كثير من العلماء ils pensaient qu'il était encore à la خير. ثم il y a eu la fitna par rapport à ce livre، كثير منهم ils l'ont بدع. Avant d'imprimer le livre ils envoient des exemples à certains mashayikh. Adi al-Halabi il a envoyé un exemple de منهج السلف à Mohamed l'imam. ثم un an après l'Ibn Aïsa la shak wa la raib annahu stafat la shak. C'est ce qui veut démontrer هذا المنحرف الحلبي. فلهذا il a démontré que son kitab c'est le même. Et il a cité que مثلا محمد الإمام il a cité تقريبا 60 paroles de Cheikh l'Islam dans l'Ibn Aïsa. الحلبي dit moi j'en ai cité 80. Il a cité مثلا 40 paroles d'Ibn Qayyim, j'en ai cité 50. وهكذا. Le livre il est plus gros. Pour le Halabi, son livre Manhaj Salaf, il est amfa', il est mieux que l'Iban. Pour nous, les deux, c'est des min kutub al-dhalal. Al-An, vous avez remarqué, le Halabi, il va appuyer sur ce point jiddan. khasatan pour faire du mal à Cheikh Rabi'a. La Cheikh Rabi'a il a rad bi quwwa ala manhaj salaf. Al-an Hanabi va essayer de montrer la contradiction, l'ibada, vous parlez sur mon livre et vous ne parlez pas sur l'ibada. Si tu as compris hada huna, tu comprendras le reste. C'est mohim. Amma kitab al-ibana wa lillahi alhamd. Quand le Cheikh il a parlé, il a démontré que c'est un kitab, il y avait des fondements bâtila. Le Cheikh il a appelé ses élèves, ceux qui ont la possibilité, qui ont le pouvoir, à faire des redoutes. Talamoun Cheikh il est mashroul et il a ouvert la porte avec cette kalima, As-Siyana. Thumma il a chargé deux de ses élèves, le Cheikh Saïd Ben Da'as Al-Yafi'i Rahmatullah Alayh, il a écrit Tanzih Al-Salafiyya et Al-Akh Yusuf Al-Jazairi, il a écrit Miswah Al-Zalam. Ces deux références pour Rad ala Al-Ibana. Ces deux livres ont été écrits. Wa Cheikh Yahya Hafidhahullah, fil Muqaddimah, Muqaddimah Miswah Al-Zalam, قال. لأن ces deux livres, الآن, les redoutes, Cheikh Yahya, il a eu un appel avec Cheikh Mohamed l'Imam. Et il lui a démontré, il lui a dit ton livre, fihi kada wa kada. Et attention, ça va ouvrir un bab de fitna. Cheikh l'imam, il a répondu, s'il y a des choses, envoyez-moi. S'il y a des erreurs, vous avez écrit des redoutes, envoyez-moi ces redoutes. Et, Inch'Allah, je regarde. S'il y a besoin de corriger, je corrige. La kinesma. Qala Cheikh Yahya. Il a envoyé une lettre à Mohamed l'imam. Qala bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fadilat al-Sheikh Mohamed l'imam, habidakum Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amma ba'd. حزب ما جرى من الاتصال اي après l'appel téléphonique que je viens de citer entre Cheikh Yahya et Mohamed l'Imam قال ان ما راينا حزب ما جرى من الاتصال ان ما راينا من نقد على كتابكم الابانه نرسله اليكم جاءت رسالتان اي on s'est mis d'accord par téléphone que s'il y a des choses des erreurs dans le kitab l'ibana on les écrit on te les envoie. Donc Cheikh Yahya a dit, donc on a deux rasaïl, on a deux livres là, on va t'envoyer. إحداها لأخينا أبي بكر الحماد ولعلها قد وصلتكم. C'est un autre rad. حقيقة, il y en a trois, quatre, il y en a plus. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Lakin au départ, c'était هذا. Il a envoyé la risala de Al-Humadi. Et Cheikh Yahya dit, لعلها وصلتكم. Elle était parvenue, ربما, à Cheikh l'Imam. Thomas, il va lui envoyer une autre, celle de Youssef al-Jazayr. Et celle de Cheikh Saïd. كذلك ils l'ont envoyé à Cheikh Mohamed l'Imam. À la kulli hal, nous ce qu'on veut démontrer l'an, c'est qu'il a reçu. Et il a été conseillé. Et il a lu. Qala wa thaniya hadhihi ar-risala, ay misbah adh-dhalam, de Youssef al-Jazairi. Qala wa huwa yatlub, ay al-mu'allif, al-akh Youssef, ça c'est Cheikh Yahya qui parle. Il dit wa huwa yatlub, ay al-akh Youssef, il demande. رد الجواب حال اطلاعكم عليها اي الاخ يوسف المؤلف الى حق ان لصاحب الحق مقاله celui qui écrit le rad شيخ يحيى دي ان المؤلف الى écrit sur rad et il te demande à Cheikh Mohamed l'Imam de répondre dès qu'il a fini il répond si c'est haq il revient si c'est faux l'akh يوسف s'est trompé il le montre ses erreurs هكذا النصيحه قال عما رايتموه فيها من تنبيه صحيح بادرتم مشكورين بحذفه من كتاب من الكتاب المذكور وما لا وافيتموه بما اخطأ فيه طيب شيخ يحيى دي si y a une erreur qui t'a démontré l'akh inshallah tu corriges si y a pas d'erreur donc c'est le frère qui s'est trompé لان الحق il est واحد اما c'est Cheikh Mohamed l'Imam qui a raison في الابانه اما c'est ceux qui ont fait le redout qui ont raison ils peuvent pas avoir les deux raisons لان lui reproche à lui donc si les frères qui ont fait le redout ils ont raison tu corriges. Si ils ont tort, tu leur montres. Wahayhat. Qala wa fi hal adam al-amrayn. Le cheikh il sait très bien. Il connaît al-rajul. Il connaît Cheikh Mohamed l'Imam. Il y a eu plusieurs fitna. Fitna Abil Hassan, fitna Salih al-Bakri, fitna Abd al-Rahman, fitna al-Jam'iyyat. Plusieurs fitna. Il sait. Il sait qu'il n'y aura aucune réponse. Illa yasha Allah. Et fi al-haqiqa, l'an, des années après, il n'y a eu aucune réponse. Bal yada qala wa fi hal adam al-amrayn. أي ستجيبون باي تكوريش با قال يرغب الأخ يوسف في طبع رسالته ونشرها تنبيها على الأخطاء الواقعة منكم في كتابكم الإبانة حتى لا يغتر بها بعض الناس والقصد من هذا والقصد سد الخلل والنصح للمسلمين عموما ولهذه الدعوة خصوصا نسأل الله لنا ولكم التوفيق le 14 du mois de Ramadan 1431 le livre est sorti en 1431 les redoutes sont sortis en 1431 donc là on a fini l'étape avec Cheikh Ubaid 1429 la deuxième étape de la fitna la première étape l'étape avec Cheikh Ubaid la deuxième étape l'Iban est-ce qu'il y a eu des réponses Abed est-ce qu'il a été conseillé Na'am est-ce que les erreurs elles ont été montrées Na'am Al-An, on a une étape. Les seuls qui ont démontré les erreurs de l'Iman, c'est Cheikh Yahya Hafidahullah et ses élèves. Ahl Dammaj. Al-An, la fitna va s'amplifier l'Imada. Les Nawa'd al-Nas, comme on va lire, ils vont dire l'Imada des ulama, ils ont fait le Muqaddimah. Cheikh Rabia, Cheikh Mohamed l'Imam, Mohamed ibn Abdullah al-Wasabi, Abdel Aziz al-Bura'i. Abdullah ibn Uthman al-Dhamari et Uthman al-Salim tous ceux-là sont dans le Muqaddimah ça fait 6 Cheikh Suhaimi il parle bien du livre il dit c'est un kitab azim ma'ruf la tazkiyat Cheikh Abdel Mohsin il conseille de le lire maintenant tu en as 8 rajoute des autres et des autres maintenant ils vont dire pourquoi tous ceux-là ils ont bien parlé du livre Et toujours les gens de Dammaj critiquent. On va arriver là. Lakin al-haq il est arfa, on a déjà répété. S'écarter des qawaïd, ça fait du mal. Le mas'ala al-an, c'est pas qui sait qu'à Zaki ou qui sait qu'à pas Zaki. L'essentiel, c'est celui qui parle, il parle bidali. Al-an, 1431, le rad de Cheikh Yahya et ses élèves, il est rejeté. Inda ba'd al-nas, alhamdulillah, il a accepté. Inda al-kathir. Qala ahad al-makhdoulin, fi shabakat al-wahyi. شبكة الوحيين الحزبية التابعة لهؤلاء الضلال من الحزبيين أصحاب عبد الرحمن العدن قال إلى ذي اسمع وعلماء يمر عليهم هذا العدد الكبير وظل أنهم يخالف قواعد السلف est-ce que السلف ils ont déjà appelé à suivre le كثرة هو الآن il appelle à suivre le كثرة واضح il dit علماء يمر عليهم هذا العدد الكبير أي tous ces علماء ils vont avoir tort on dit celui qui خالف الكتاب والسنة il a tort ils sont beaucoup أو pas beaucoup قال من المخالفات لأصول أهل السنة فلا يعرفونها أو يتعامون عنها الآن il dit tous ces savants à leur tête Cheikh Rabia tous ces savants ils ont lu le livre et ils n'ont pas vu des أصول مخالفة et vous أصحاب دماج vous avez vu لكن المسكين Le jour où Cheikh Rabi il a parlé, Manadri, il est parti où هذا. قال لأصول أهل السنة فلا يعرفونها أو يتعامون عنها لا يستحقون يكونوا من العلماء. Il a حكم على الجميع c'est plus des savants. Il a dit si il y a des أصول qui خالف منهج السلف, tous ceux qui ont fait le مقدمه, ils ne méritent pas d'être des savants. لأن ils n'ont pas vu les مخالفات. لأن هو الآن يبونس كخلاص personne va parler يبونس كيك شيخ يحيى شيخ يحيى سان حدادي on a fini et le reste on est tous d'accord الآن شيخ ربيع va parler on va lire le كلام donc pour هذا الجاهل أن شيخ ربيع شيخ عبد المحسن شيخ سحيمي tous c'est pas des savants لأنهم ils ont pas vu les efforts هذا الآن on doit lui dire إما شيخ ربيع il s'est trompé tu le montres إما شيخ ربيع il a raison et si on applique ton كلام c'est grave قال لا يستحقون قال لا يستحقون أن يكونوا من العلماء بل من علمهم هذا سامجرم إلى كلام نعوذ بالله نحن لا سيتي on n'a pas cité son nom on ne le connaît pas il n'a aucun poids لكن pour montrer ça a été dit ce كلام dans un forum الوحيين des centaines de personnes ont visité ce forum ils sont d'accord ما أنكروا عليه في الحقيقة c'est la fikra qu'il y a عند كثير من الناس c'est pour ça on l'a cité c'est ça cette pensée qu'ils ont قال بل من علمهم ورباهم لم يحسن تربيتهم وتعليمهم حيث كانوا على المستوى الهابط من الجهل والجهالة il dit بل celui qui a enseigné à ses mashayikh كذلك c'est un ignorant comment il va sortir des élèves ils n'arrivent pas à trouver des أصول مخالفة المسكين il oublie que le شيخ de هؤلاء c'est شيخ مقبل le شيخ de عبد المحسن العباس c'est شيخ بن باز شيخ محمد إبراهيم شيخ الألباني tout cela الآن يطعن في كثير من العلماء سنصنع. On répète هو يدي الأهل أن si Cheikh Yahya a raison, et le kitab yadeh usul mukhalifa, ça veut dire que tous les mashayikhs qu'ils ont mis à parler en Libana, c'est des juhal. Il y en a, ils ne connaissent pas ces usul. هذا. Et nous, on le sait, il y en a, كثير de ceux qui ont parlé en bien Libana, ils ont zaki Abu al-Hassan et ils le zaki jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'on doit s'attacher à eux ou alors c'est des afadhi? Abadan. الحق أحق بالاتباع لكن الجهل on lit la parole de Cheikh Rabi' pour calmer هذا الجاهل قال الشيخ ربيع وفقه الله des années après 1431 الآن la parole de Cheikh Rabi' 1433-1434 il y a un an et demi قال الشيخ ربيع قال الحلبي الحلبي الآن cette étape il a lu le kitab Libana il sait très bien que c'est comme son livre. Et l'an al-Halabi, pour lui, il a un moyen de faire tomber Cheikh Rabi', de dire pourquoi tu as parlé sur moi et tu ne parles pas sur l'imam. Qala al-Halabi, Cheikh Rabi' sayyarub alayhi. Qala lakin mu'azam al-masail allati qarraraha al-Sheikh al-Halabi. C'est al-Halabi qui parle, et il parle de l'imam. Fi kitabihi, ay manhaj al-Salaf, wafaqahu ala taqririha al-Sheikh Muhammad al-Imam. Fi kitabihi al-Mawsoum. الإبانة عن الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة. هذا يدي ساعش ربيع. إلى إكفار رب. إلى ودي tout ce que vous m'avez reproché et vous m'avez بدع. هذا سعد الحلبي. Ils l'ont fait sortir de Sunna. C'est par rapport à ce livre. بحق. Il méritait. لكن la contradiction. C'est pour ça que nous on a cité cette masala dans notre tarse. لماذا vous parlez pas sur Cheikh Mohammed al-Imam? على الأقل vous montrez les erreurs. قال الشيخ ربيع أقول الشيخ ربيع أي الشيخ ربيع كبار أقول لقد أخطأ الشيخ الإمام في موافقته لأصول الحلبي لموافقته أو في موافقته لأصول الحلبي الشيخ ربيع démontre أن الإمام بن إبانة إلى لمن أصول كالحلبي قد يقول قائل il n'en a pas beaucoup. Sahl, il a parlé au pluriel, au soul. Même s'il en a deux, c'est khatir. Le pluriel, à la qawl, wa'd al-ulama, ça commence par deux. Et là, chaque, il y en a beaucoup plus. Nous, bachirouk, il y en a beaucoup plus. Lakin, wala wa haqid, il dit, là, mais, il n'a pas dit tous les au soul, à la kulli hal, on avait cité qu'à la mahl al-ilm, on a khalif, un asl, c'est khatir, jiddan. Ma balouk, deux, trois. Ma balouk, t'es conseillé, tu reviens pas. Qala fi mouafakatihi li usul al-halabi. Mimbab al-Tambir, on remplace le nom de Cheikh l'Imam par Cheikh Yahya. Mabalouk. Laqad akhta'a Cheikh al-Hajouri fi muwafaqati li usul al-Halabi. T'aurais entendu. Qala, fastishhaduka bil khata yadul ala annaka gharikun fil hawa. Ça montre que le livre libana c'est un khata. Et après Cheikh Rabi, il montre que c'est du batil. Tu parles. Tu prends comme dalil le batil pour défendre ton batil. Ça montre que l'Ibana c'est du batil. Ça serait un livre de sunna. Est-ce que Cheikh Rabi il aurait parlé hakada? Il aurait défendu le livre. Ça serait un livre qui appelle à la sunna. Cheikh Rabi il aurait eu le dessus très vite sur le halabi. Il aurait dit hakada, ce livre c'est un livre de sunna et ton livre c'est un livre d'égaré. Là, Cheikh Rabi il sait. Cheikh Rabi c'est lui. Un des premiers qui a écrit des rodotes sur ce genre de règles. Il sait très bien. Lakin fitna. لقد أخطأ الشيخ الإمام في موافقته لوصول الحلبي. وغذي الآن كلام الجاهل هذا. الآن quand الشيخ يحيى il a dit, انتبهوا comment il a répondu. نحن cite cet homme, لكن c'est le فكر الجميع de ces حزبيون هؤلاء أو المغتر بهم مغرر بهم. الآن الشيخ ربيع il a dit هذا الكلام. لماذا on n'entend plus ce genre de parole? تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء des مقلدين. Cheikh Rabi, il a dit Kitab Ibana, il est bien, ils ont dit il est bien. Il a dit il est mauvais, là ils vont dire il est mauvais. S'ils le disent, Badhum Yaskut. Lakin s'ils le disent, ils vont dire, c'est quoi ton dalil? Cheikh Rabi, il a dit, Abadan. Abadan, li annakum, vous avez rejeté le haq pendant des années. Et rejeter le haq, t'as pas le droit. Ah, la parole de Cheikh Yahya, 1431. La parole de Cheikh Rabi, 1433 ou 1434. 2-3 ans. L'imada pendant 2-3 ans, t'as rejeté le haq. Yajouz, t'as pas le droit. Pendant 2-3 ans, combien de frères ils se sont égarés? Obama, certains ils sont morts. Et ils avaient ces choubouhan. Tout ça, t'as pas le droit. Tout ça, la bout de minal nasiha, la bout de minal bayad. Fana'am, بعض المشايخ الذين قدموا واتنوا على كتاب الإبانة. نعم, بعضهم نعم. Ils ont pas beaucoup de ilm في هذه المسائل. بعضهم نعم كشيخ الإمام كشيخ البراعي معروف لا بروف تاين بروف الآن quand شيخ العائلة démontre أنهم ils ont pas beaucoup de معرفة فتنة أبي الحسن ils sont tombés dedans فتنة البكري ils sont tombés dedans فتنة الجمعيات قبل فتنة العدني الإبانة est-ce que tout ça ça démontre pas que الشيخ il a raison et que هؤلاء c'est pas la première fois que ça leur arrive celui qui a dû une صف على الأقل يدي ils se sont trompés لكن لا tu veux montrer qu'ils ont raison et tu veux montrer que Cheikh Yahya c'est un haddad. Pourquoi ils disent haddadi? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que Cheikh Yahya connaît ses usul et il les a réfutés. Lakin ils veulent démontrer qu'il exagère. Hada. Lakin là, tout ça il faut des adillah. Vous avez démontré que Kitab Imana il est bon. C'est un Kitab tayyib. Bel, wallah, ils ont fait du roulou. Donc si vous vous êtes trompé, votre hukm dans l'Ibana, pourquoi vous. Ça ne serait pas une erreur votre hukm à la Cheikh Yahya. Ben, c'est une erreur. Le hukm à la Libana et le hukm à la Cheikh Yahya. Hada. Isma. Kalam Oussama al-Utaybi. Ça t'atajib. Ala tanaqud. Oussama al-Utaybi. C'est min al-Haqidin, al-Hasidin. Il a une haine envers Cheikh Yahya et ses élèves. Quand Cheikh Yahya il a parlé sur l'Ibana et ses élèves ils ont écrit des redoutes, Isma' ma daqal, qu'est-ce qu'il a dit? Qala at-taswiya bayna kitab al-imam wal halabi yadul ala jahl bi kitab al-halabi. Comparer l'Ibana avec le livre de Ali al-Halabi, celui qui compare les deux, c'est un ignorant, il ignore c'est quoi les usul de l'Halabi. Cheikh Rabi' il a comparé. Qala. Il a dit hakada. Avant que Cheikh Rabi' parle. Limada il a dit hada? Lianna il veut faire tomber Cheikh Yahya faqat. Mais il n'a pas d'ilm. Il aurait du ilm, il aurait étudié. Ilm, bien sûr, avec de la justice, insaf. Il aurait étudié les deux livres et il aurait dit sahih, c'est pareil. Aussi, c'est pas pareil, il nous démontre. Lakin, al-an, quand on vous a dit, c'est le fikr qui est répandu. Vous avez remarqué que la parole de. Le Munharif qui a parlé sur le forum Al-Wahye et Oussama Al-Utaybi, c'est la même chose là. Cheikh Rabi' Al-An, il a parlé. Cheikh Rabi' il a dit le livre de l'imam Akhta Al-Imam fi Mouafaqati de Usul Halabi. Donc les livres ils se ressemblent. Bel, il y a des fondements, c'est les mêmes. Mada qal isma' Kama qal Nabi sallallahu alayhi wa sallam In lam tastahi fasna' ma shi'it. Qala Wa hakada Il a cité Kalam Cheikh Rabi' Alors que lui-même, il n'est pas d'accord. Lakin il a cité Kalam Cheikh Rabi' wa qala hakadha hum ahl al-'ilm as-salafiyyun harisun 'ala nashr al-haqq wa bayan wa bayanihi wa radd al-batil. Qal wa bayanihi walau kana man waqa'a fi aqrab qarib. Il veut faire passer, il veut faire croire qu'ils sont modestes. Il dit hakadha c'est les salafis. Hakadha les savants. Cheikh Rabi' dès qu'il a vu que le livre il était mauvais, même si c'est une personne qui est proche, il a radd al-batil. Lakin ya Rabi, il est où ton kalam anna les livres c'est pas les mêmes. Et celui qui dit ça c'est un ignorant. Ayn hada. Vous avez remarqué, Cheikh Rabi' il a dit une chose, il pensait lui que Cheikh Rabi' il n'allait pas critiquer l'Ibana pour parler contre Cheikh Yahya, il a dit ce kalam. Cheikh Rabi' il a dit exactement comme Cheikh Yahya il a dit, il est revenu. Sans démontrer je me suis trompé, Cheikh Yahya avait raison, j'ai dit ce kalam, astaghfirullah, wala shay. Est-ce que Mithla Hadal An il appelle au Haq? Il se contredit. Un jour il dit le Kitab, il n'y a pas de. Il ne ressemble pas à l'Halabi. Dès que Cheikh Rabi' il parle, il dit Masha'Allah, c'est ça le Haq. Comment on fait l'An? On remplace le nom de l'Utaybi par un élève de Cheikh Yahya. On remplace le nom. Qal Oussama al-Utaybi, tu mets un nom d'un élève de Cheikh Yahya. Et tu verras. Tu verras Mada Satasma. Sallallahu al-Afiyah. Cheikh l'imam, كذلك, avant la parole de Cheikh Rabi', il disait, il prétendait à Cheikh Rabi', il parle bien du livre. À Cheikh Rabi', il a écrit son nom sur. Son nom, il est écrit sur le Ghilaf, il fait partie de ceux qui ont préfacé le livre. Et Ma'rouf, un ashab de Mab, il s'est assis avec Cheikh Rabi', et Cheikh Rabi', il avait dit le livre, il faut le. Yulra, il faut l'arrêter. Cheikh l'imam, il critiquait les frères de Dammaj. Il disait, non, il ment sur Cheikh Rabi', Cheikh Rabi', il a bien parlé du livre. Isma' kalam Cheikh l'imam, avant kalam Cheikh Rabi', قال, ولهذا كنت عند الشيخ ربيع بعد أن نزل الكتاب إلى الساحة وانتشر فقال له أحد المتعصبين. Il vise les élèves de Cheikh Yahya. Et c'est Cheikh Rabi', un frère, un متعصب, comme il les appelle. إلى جاء شيخ ربيع يا شيخ ربيع هذا الكتاب لو يعني يلغى أحسن. فقال له أي شيخ ربيع كيف يلغى وفيه كلام أهل العلم؟ شيخ الإمام آني بخطوك الشيخ ربيع إلى دي هذا أنه كمو أبا أغيت السليبر السليبر يدي بقول دو سامو. Lakin, awalan, c'est pas chaque livre qui a des paroles de savant que c'est un bon livre. Là, il peut avoir des paroles de savant et il les cite, il appuie du batel avec les paroles de savant, ma'ruf, comme il a fait dans l'Iban. Lakin, la question qui se pose, Cheikh Rabi, il a parlé après. Quand il a dit, l'imam, il s'est trompé, il a les mêmes usul, ou certains usul, pareil que le Halabi. L'imam, là, Cheikh l'imam, là, il revient par al-Hadr al-Qaw. Sans rentrer, est-ce que Cheikh Rabi il a vraiment dit ça, est-ce qu'il n'a pas dit ça, tout ça s'est passé. Al-An, Cheikh Rabi il a parlé, il a propagé. Sur internet, tout le monde a lu son kalam. L'imam d'Al-An, il ne revient pas à l'adal kalam. Et il dit, sahih, les frères, ils avaient dit hada, Cheikh Rabi il a dit kada, sahih. Imma, il s'est trompé, il démontre pourquoi il s'est trompé. Et il arrête ce livre. Imma, il a raison et il montre l'erreur de Cheikh Yahya, de ses élèves et de Cheikh Rabi. Lakin, aucun des deux. Ah, c'est ça qui fait du mal. C'est clair notre position. Celui qui se fait du mal, c'est qui? C'est celui qui suit aveuglément. Maintenant, ceux qui suivent aveuglément Cheikh Rabi, ils vont se faire du mal. Cheikh Rabi, son nom il est sur l'Iman. L'As, c'est qu'il a accepté le livre. Ils ont accepté le livre. Cheikh Rabi, quelques temps après, il dit le livre là, khata. C'est une erreur de l'Iman. Il a les mêmes usul que le Halabi. Comment ils vont faire? Un jour il est bien, un jour il est mauvais. Amma nahnu wa illa alhamd, le premier jour on a pris le qawl anna le livre il n'est pas bien, et jusqu'à aujourd'hui. Alhamdulillah, on a des redoutes, il y a des audios, c'est wadih. Lakin, ma balouk ceux qui se contredisent. Qad yaqul qa'il, limadha Cheikh Rabi'. Maintenant on est sûr qu'il a parlé sur le livre, dans son rat sur Ali al-Halabi. Lakin, son nom il est écrit sur la couverture. Qad yaqul qa'il hadha. Qala Cheikh Rabi. Cheikh Rabi il a répondu. Lianna Ali al-Halabi, quand il lui a dit t'as préfacé le livre al-Ibana, ça veut dire que t'es d'accord. Pourquoi tu critiques mon livre? C'est les mêmes. Qala Cheikh Rabi aqul. Ça c'est la parole de Cheikh Rabi. Rabi lam yuqrid kitab al-Ibana lil-Imam. Alors que son nom il est écrit. Son nom il est écrit. Donc l'an le kalam, Cheikh l'Imam. إما إلى غاجوت لنو إما ما ندري الآن. قالت ولقد تصفحه أي شيخ ربيع في أول الأمر تصفحا سريعا. نعم لكن la première édition qui a été propagée, الجاهل المسكين qui va acheter le livre, il voit le nom de Cheikh Rabi en premier. Donc il pense que Cheikh Rabi il est d'accord avec le livre. الآن qui sait qu'a pas été nasih dans l'histoire. Est-ce que Cheikh Yahya الآن il a un lien avec tout ça? أبدا. قال ومع ذلك استنكر بعض الأمور فيه وعلق على هذا الكتاب تنبيهات لمحمد الإمام ليرجع عن أخطائه عن أخطائه. نعم la première édition Cheikh Rabi il a écrit des تنبيهات et les a démontré à l'imam. لماذا Cheikh الإمام il est pas revenu? ثم قال ثم قرأه مرة ثانية la deuxième édition Cheikh الإمام il a corrigé quelques éléments, لكن le livre c'est le même. Amma montré qu'il y avait des usul tokhalif abadan. Lakin il y a des phrases, des formulations qui ont été changées. Deuxième édition, Cheikh Saïd rahmatullah alayh, il avait écrit un rad, il est propagé. Cheikh Saïd il a deux rad, Tanzih al-Salafiyya sur la première édition et le deuxième rad sur la deuxième édition. Il montre que c'est le même livre. Et sahih, c'est le même livre. Qala thumma qara'ahu maratan thaniya wa abda mulahadat ala ba'd al-akhta. Ay Cheikh Rabi'a. في هذا الكتاب وطلب من الإمام أن يرجع عنها. deuxième édition. il écrit encore des tanbihat et il demande à Cheikh l'Imam de revenir. لماذا il revient pas? قال وأن يعيد النظر في كتاب في كتاب. il revoit ce kitab. لأن il sait Cheikh Rabi anna ce kitab c'est un sulam pour Ahl al-Bida comme al-Halabi wa Abu al-Hassan et tout cela. ils vont se servir et ils le font إلى الآن. قال فإذا وجد في كتابه مخالفات لمنهج السلف فعليه أن يرجع عنها. تأمل cette formulation de phrase, elle est importante. فإذا وجد, si quelqu'un trouve des erreurs dans l'Ibana, Cheikh l'Imam il doit revenir. نحن lui répond نعم. نعم, Cheikh Yahya et ses élèves ils ont trouvé des erreurs. لماذا il ne revient pas? Ou la parole فإذا وجد sauf Cheikh Yahya. هذا بعض الناس لعلهم يكون هكذا. فإذا وجد entre parenthèses sauf Cheikh Yahya et ses élèves des erreurs. أما celui qui veut répondre à l'Ibana, il n'a pas besoin de se fatiguer. Les frères, ils ont fait le travail. Cheikh Yahya et ses élèves. Le travail, il est tout fait. Qaï, qaïda après qaïda, en détail. Misbah al-Dhalam 200 pages, Tanzil Salafia 150 pages. Wadeh. Et Cheikh Yahya 4-5 audio. Celui qui veut, c'est wadeh. Lakin, aïna l'insaf. قال فإذا وجد بكتابه مخالفة لمنهج السلف الصالح فعلي أن يرجع عنها ولا أزال على هذا. Sachez Cheikh Rabi, 1434, quand il répond à Al-Halabi, يقول ولا أزال, je suis دائما sur cette position. Avec le livre, il y a des erreurs. Celui qui a une nasiha à faire, il montre les erreurs, et Cheikh l'imam doit revenir. Al-An, on est en 1435, cette parole Cheikh Rabi, c'est 1433 ou 34, Al-An, ça fait deux ans, ou voilà, Cheikh. L'imada, on délaisse ce livre se propager, et qu'a-t-il mis la Shababi Segar? L'imada. L'imada, on a répondu à Ali al-Halabi, et on ne répondrait pas à Cheikh l'imam, l'imada. قال ولا أزال على هذا الموقف البعيد عن المحابة. نعم المحابة c'est ne pas oser démontrer le haq parce que c'est ton ami. علي الحلبي لا accuse الشيخ ربيع de هذا. الشيخ ربيع l'a démontré أنه il est بعيد من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. هذا المقال إلى منشور الحلبي من أشد الناس شهادة بالزور. نعم الشيخ ربيع il a répondu à الحلبي بهذا. الآن plusieurs questions se posent. لماذا انتقادات شيخ ربيع وفقه الله مقبولة انتقادات شيخ يحيى اسزلاف الصبا مقبولة لأن شيخ يحيى لا parlé avant 1431 بعض الناس comme on a vu Oussam al-Utaybi بل il a critiqué 1433 deux ans après شيخ ربيع parle certains ils acceptent لماذا الحق c'est الحق كذلك لماذا هذا تأخر في بيان حال الإبانة لماذا كتاب الإبانة اللي صدر 1431 En 1434, Cheikh Rabi, وفق الله, يقول أن ce kitab وافق لأصول الحلبي. لماذا cette attente de 3 ans? لماذا? En 3 ans, il y a des personnes, probablement, ils se sont égarés. Probablement, il y a des personnes, ils sont partis avec Ali al-Halabi. لماذا? وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع, comme il a rapporté l'imam Shatibi وغيره. كذلك, خاصة, نحن dès qu'on dit تأخير البيان, خاصة أن le nom de Cheikh Rabi, il est écrit sur le kitab. Quand il y a un mais pourquoi vous dites que ce serait Cheikh Rabi' qui doit démontrer? Pourquoi ce ne serait pas un non-savant? Léana, son nom, waffaqahu Allah, il est écrit. Famim Beb, ah ou là, lui, il doit démontrer, annahu la, j'ai rien à voir avec ce kitab. Là, quel qadr Allah, ou mashaba. Kadalik, c'est quoi ces usul? Ma hiya l'usul allati waffaqa fiha l'imam al-Halabi? Léana, Cheikh Rabi' il dit, annah, Cheikh l'imam, il a waffaq l'Halabi dans certains usul. C'est quoi ces usul? Démontrez-les. S'il y a des usul sahiha, montrez-les, comme ça on les suit. S'il y a des fondements batela, montrez-les, comme ça on s'écarte. لكن كلام عام هكذا لا ينفع أبدا كذلك est-ce que c'est أصول que Cheikh Rabi cite dans ce maqal est-ce que c'est les mêmes que ceux que Cheikh Yahya a cité je vais avoir deux cas si c'est نعم pourquoi vous avez dit que Cheikh Yahya il était mauvais c'est un haddadi il parle sur l'ulama il parle sur l'imana si c'est pas les mêmes démontrez-nous ces أصول et démontrez les erreurs de Cheikh Yahya كذلك نذكر أن الشيخ يحيى حفظه الله لديبي دلا فتنة الحلبي en 1428-1429 quand il a sorti son livre منهج السلف 1430 un an avant l'Ibana Ahmed Bazmoul il a écrit plusieurs redoutes معروفة ils les ont rassemblés صيانة السلفي الشيخ يحيى أذكر on était au Tars et il a conseillé je me rappelle à la fin du Tars قال الأخ الشيخ أحمد بزمول il a écrit des redoutes sur علي الحلبي lisez-les طيب انصاف لماذا شيخ يحيى يكتب ردود avec ses élèves ils sont combattus alors que c'est le haq كذلك لماذا لم يتراجع الشيخ محمد الامام عن هذه الاصول بوضوح لان الشيخ محمد الامام souvent il disait mais شيخ ربيع mais شيخ ربيع شيخ ربيع الان il a montré لماذا il revient pas بوضوح او il montre بوضوح que son kitab il est على حق لكن السكوت le problème السكوت nous en حقيقة ça ne fait rien الحمد لله on connaît le haq هذه المسألة لكن des nouveaux مساكين De nouveau, il s'égare du sabab hada soukout. Quel est le qiyam? Yom qiyam, il n'y a pas de soukout. Là, bon, tu réponds. كذلك, لماذا لا يعترفون أن أهل الدماج ils ont صح, ils ont démontré le haq في هذه المسألة? هذا الجواب il est معروف. لأن si ils reconnaissent أن الشيخ يحيى avait raison avec ses élèves, مسألة الإبانة, toute la fitna tourne الآن autour de l'إبانة. Ça veut dire que Cheikh Yahya a raison. Et ça veut dire que si Cheikh Yahya a parlé l'Ibana, il avait raison, et les autres, Mashaïk, Khassatan du Yémen, ils ont défendu l'Ibana, Cheikh Yahya avait raison, c'est la même chose pour Abdurrahman al-Adani. Cheikh Yahya l'a critiqué, mais ils l'ont défendu, comme ils se sont trompés avec l'Ibana, ils se sont trompés avec Abdurrahman. Et ils se sont trompés avec Abul Hassan. Et ils se sont trompés avec Salah al-Bakri. Et ils se sont trompés avec Al-Kathir. Ah, la haqiqa, reconnaître l'erreur de l'Ibana. Ils ne peuvent pas l'Ibana. Ils savent que Cheikh Yahya, ça montre qu'il a le haqiqa de la mas'ala. Comme la mas'ala avec Cheikh Roubaix. Là, qu'on est patient, ça. Fait dunya, c'est pas trop grave. Ça y est, on patiente. Voilà où ils insultent, ils critiquent. Ça, là, qu'on est en Qiyama, Nisallaha, Athabat, l'Ildemir. كذلك لماذا الرب على كتب انتشرت كمنهج السلف للحلبي والنصيحة للرحيلي ورفقة أهل السنة لشيخ العباد بردود لماذا شيخ الإمام on n'a pas le droit on dit même pas نحن eux ils font des redoutes là ils laissent pas les autres faire des redoutes لماذا alors que ceux qui suivent ou celui qui suivent aveuglément ils suivent كثير منهم ils suivent aveuglément شيخ ربيع il a parlé malgré ça là. لماذا On s'arrête sur ces questions. On connaît la réponse. Et celui qui veut le haq, il médite. On a subhanahu wa ta'ala à tawfiq li jamia. Le but c'est de revenir au haq. Wallah, le manhaj salafi il était clair avant Kitab al-Ibana. Tata'ajjab, comment ba'd an-nas il s'accroche à des personnes, il s'accroche à des livres. Comment ils se font du mal? Ils se font du mal. Et الآن لا plupart ils savent que كتاب الإبانة il est معروف خاصة quand Cheikh Rabi' il a parlé الآن ils savent لكن تتعجب أنت بعض الناس comment ils s'accrochent نحن on se pose la question الآن est-ce que le manhaj salafi il était clair avant كتاب الإبانة نعم il était واضح t'as eu la période de صحابة رضي الله عنهم القرون المفضلة ils étaient على manhaj salafi واضح t'as eu la période des quatre imams t'as eu la période de Cheikh l'Islam le Taymiyyah avec tous ses élèves t'as eu la période de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab avec tous ses élèves t'as eu la période qu'on a connue الآن avant ces années, la période de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Muqbil, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen, Salafiyya Wadiha. Thumma, tu as eu une période après Haoula, Ala Khair. Thumma, Kitab al-Ibana, il est sorti pour nous éclaircir. Ça fait que des problèmes. Sahih. Ibana, c'est quoi? C'est un éclaircissement. Éclaircissement, Fimada. Que des fitnes. Entre l'un, ils ne sont plus d'accord. Cheikh Rabi'i dit ça, l'autre il dit là, mais pourquoi, comment? Sallallahu alayhi. C'est pas ça l'ilm. والله ça sera un kitab qui a la haq il aurait guidé ça sera un nour amma l'an ce kitab il a fait que des fitnes il a mis beaucoup de personnes fi ihraj naktafi bi hadha al qadr wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin ma'a tahiyyati dammaj afaq.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين